Chapitre 32e, chez les patates. Paulin Broquet et Gabriel allumèrent un nouveau brûle-gueule, commandèrent encore de l'eau-de-vie, et continuèrent à chanter la petite marchande de Muguet. Un quart d'heure plus tard, le nouvel ami de Paulin Broquet reparut sur le seuil de la porte des salons. Il tourna les yeux du côté du détective et haussa les épaules comme pour lui faire entendre « Parbleu, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, ce soir encore, relâche !» Puis il entra dans la fourgue et il passa devant les bancs, s'adressant à quelques consommateurs qui, à son approche, touchaient de leurs doigts leurs lèvres supérieures, le bas du nez, pour former le signe des aides. « As-tu des allumettes ?» Il insistait sur la liaison des allumettes. Les autres répondaient de leur voix grasse, éraillée, non feinte, avec leur accent du faubourg nullement imité, « Zallume ». L'homme passait. Peu après, les individus qui avaient répondu le « Zallume » se levaient et se faufilaient par la porte du fond dans le couloir qui conduisait au salon. Paulin Broquet se demandait à ce moment ce qu'il devrait faire quand la question lui serait posée. « Le plus simple est de faire comme les autres », pensa-t-il. Et à la question de son nouvel ami, il répondit, et Gabriel fit de même, « Zallume ». Ayant fini son verre d'atroce torboyau, car il n'y a pas d'exemple dans le monde qu'on ne se soit levé de table en abandonnant quelque chose au fond de son verre, il se leva, et d'un pas lourd, roulant les épaules, il se dirigea vers la porte des patates. Après cette porte venait un couloir assez long, très étroit. Quatre ou cinq réduits donnaient sur le couloir. Dans un de ces réduits appelés salon, se trouvaient, derrière la table crasseuse, les trois hommes que nous avons vus pénétrer tout à l'heure dans la baleine, faisant le signe de reconnaissance. Ils se tenaient au bout de cette table, le dos appuyé au mur du fond. En face d'eux, près de la porte, était assis le compagnon du nouvel ami de Paulin Broquet. Il avait un sac de toile devant lui. Ce sac était plein de pièces de 100 sous. Les clients de la baleine entraient dans ce salon sans dire mot, sans faire aucun nouveau signe. Ils s'approchaient de l'homme au sac et tendaient la main. L'homme au sac, dans cette main, déposait 3 ou 4 pièces, et ses clients, sans plus de manifestation, sans autre remerciement, s'en allaient. Toutefois, en leur donnant l'argent, l'homme au sac, qui selon le terme d'argot éclairait, allumait, disait les aides, leur disait simplement « samedi ». Paulin Broquet, à son tour, s'avança, tendit la main, reçut 3 pièces de 100 sous et sortira. C'était un effet d'un singulier comique que celui-ci, Paulin Broquet, touchant de l'argent de Zigomard. Vraiment ? C'était à se demander si tout cela ne cachait pas un piège, n'était pas une ruse, n'allait pas avoir un contre-coup terrible, un réveil extraordinaire. Paulin Broquet et Gabriel, qui après avoir encaissé ses 3 pièces lui aussi, l'avaient rejoint, se tenaient sur leur garde. Dans la poche de son veston indescriptible, le détective touchait la crosse de son revolver. Il se préparait à la défense, à la lutte, ses zigomards manifestaient sa puissance et se démasquaient tout à coup. Mais il n'en fut rien. Paulin Broquet comprit que ce paiement était destiné à faire patienter les aides employées aux basses besognes qui commençaient à se plaindre et menaçaient de défection. Or, on pouvait par la suite, pour les expéditions projetées, avoir besoin de toutes ces bonnes volontés, de ces dévouements jamais spontanés ni gratuits. Avec quelques pièces de 100 sous qui permettaient à ces malandrins de boire, on les faisait attendre. Il suffisait pour ce paiement que le nouvel ami de Paulin Broquet fît passer chaque homme devant le compagnon au sac. On était certain que l'homme était un Z, pouvait prétendre aux allumages. Sans autre vérification, sans nouvelle épreuve, on lui remettait des pièces de 100 sous en lui indiquant le jour de la prochaine assemblée et tout était dit. Les hommes payés revenaient dans le couloir et sortaient par l'autre bout qui donnait dans une petite cour. Cette cour servait de resserre à toute espèce de débarras, de débris. Il y avait là des tonneaux, des chiffons, de la vieille ferraille, des pots, quelques voitures à bras, un poulailler, une niche à lapins, et sous un toit crevé, un malheureux âne. Au milieu de tout cela serpentait un petit chemin, lui aussi le plus souvent encombré, conduisant à la porte cochère. Cette porte donnait dans une ruelle. Par cette ruelle, en contournant le pâté de maison, on pouvait revenir dans la rue Jonas et rentrer comme de nouveaux clients dans l'antre de la baleine pour y voir tout de suite l'argent qu'on venait de toucher. Paulin Broquet, suivant le mouvement, se disposait à sortir quand son nouvel ami, au moment où il s'engageait dans le corridor, lui souffla à l'oreille. « Attends-moi dans la cour. »« Ça va, » répondit le détective. Il fit signe à Gabriel. Alors, sans se presser, sans imiter les compagnons qui avaient hâte de sortir, de retourner à la baleine boire leur argent, il continua sa marche dans le couloir, tout en étudiant les êtres de ce singulier bâtiment, en cherchant à se rendre compte de la disposition, en essayant de découvrir le lieu où les aides tenaient leurs assises. car pas un moment il ne pensa que la nouvelle barbotière pût être ce salon où se tenaient les trois gentlemen du cirque et de Martins, et où s'étaient effectués les allumages des compagnons mécontents. Le salon, puisque c'était ainsi qu'on appelait ces réduits ou les favorisés, les patates s'isolaient du commun des mortels de la baleine, le salon, dis-je, des trois gentlemen n'était pas le seul qui fut occupé ce soir.